Changement d'environnement, changement de paradigme, changements qui peuvent finalement être résumés dans ces deux mots, nouvelle vie. L'indépendance comme sorte d'étape finale de l'adolescence, où les anciens repères doivent être repensés et de nouveaux adoptés. Aujourd'hui, dans River of Gold, on parle de tout ça ainsi que des deux premiers disques de Kid Cudi. Vous êtes sur Hands Up et je vous souhaite une belle écoute. C'est simple de se dire que la vie est un enchaînement de moments qu'il faut apprécier, d'instants dont on doit extraire l'or. Mais passé certains stades, on se retrouve seul face à soi-même, en perte de repères, comme arraché du berceau. On avait tous notre zone de confort et tout était simple, trop simple, on en voulait plus. Alors on a changé de vie, troqué nos maisons contre des chambres trop petites de la grande ville. L'indépendance, un idéal qu'on chérissait, auquel on ne cesse de se raccrocher à vrai dire, et l'envie de se persuader qu'on ne dépend de personne. Constat naïf, un peu faussé, sorte de dernière étape de l'adolescence, mais d'une beauté certaine. Alors on se met à vivre, vivre autrement, vivre comme on le voulait. On se réunit sans vraiment se parler, et dans cette nuit que je chéris autant qu'elle m'effraie, on boit, sans vraiment se regarder. Rencontrer des gens, plein de nouveaux gens à vrai dire. Déluge de lumière, des enceintes, crachant des basses, plein de visages différents que l'on croise sans cesse. Un sourire, un autre rendu, la musique. Un sourire faussé, une boule au ventre, des vertiges, plus rien. L'impression de porter un masque, liberticide. L'impression que tout ce qui nous entoure est faux. Les émotions, les leurs, les nôtres. Que tout ce que je vis est artificiel. Toujours pas de musique. Peur, angoisse. L'euphorie laisse place à la descente. Mais un autre sourire, chaleur, joie. Puis le départ et la mélancolie. Et à nouveau la musique, en solitaire, cette fois. I got 99 problems, and they out bitches, wish I was digging man. Carefree living, but I'm not Sean or Martin Louis. I'm the Cleveland nigga, rolling with the Brooklyn boy. You know how I be when you start living large. I control my own life, Charles was never in charge. No sitcom can teach Scott about the drama, or even explain the troubles that haunted my mom. On Christmas time, my mom Christmas grind. Got me most of what I wanted, how'd you do it mom? Huh? She copped the toys I would play with in my room by myself. While he by himself, he got two older brothers. One hood, one good, independent. No, the sister kept me flying when she could. But they all didn't see the little bit of sadness in me. Scotty, I've got some issues that nobody can see. And all of these emotions are pouring out of me. I bring them to the life in you. It's only right, this is the soundtrack to my life, yeah, yeah. The soundtrack to my life. Paranoid, like a sixth sense. Since my father died, I ain't been right since. And I tried to piece the puzzle of the universe. Split an eighth of shrooms just so I could see the universe. I try to think about myself as a sacrifice, just to show the kids they ain't the only ones who up at night. The moon will illuminate my room, and soon I'm consumed by my doom. Once upon a time, nobody gave a fuck. It's all said and done, and my cock's been sucked. So now I'm in the cut, alcohol in the womb. My heart's an open sore that I hope heals soon. I live in a cocoon opposite of Cancun, where it is never sunny, the dark side of the moon. So it's more than right, I try and shed some light on the man. Not many people love this planet understand. I've got some issues that nobody can see. And all of these emotions are pouring out of me. I bring to my life. The soundtrack to my life. It's close to going trying some coke, and a happy ending will be slitting my throat. Ignorance to cope, man, ignorance is bliss. Ignorance is love, and I need that shit. If I never did show, then I'd probably be a myth. If I cared about the blow, then I'd probably be a jackass. Don't give a shit what people talking about, fam. Hate to shake my hand, but I keep the sanitizer on deck. Hope I really get to see 30. Wanna settle down, stop being so flirty. Most of the clean faces be the most dirty. I just need a thoroughbred cook when I'm hungry. Ass all chunky, brain is insanity. Only things that calm me down, pussy or some Cali treat. And I get both, never truly satisfied. I am happy, that's just a saddest lie. I've got some issues that nobody can see, and all of these emotions are pouring out of me. I bring them to the light for you. It's only right. This is the soundtrack to my life. The soundtrack to my life. To my life. To my life. To my life. To my life. To my life. Yeah. Je marche à travers la ville. Marche répétitive, même lieu, mêmes endroits encore inconnus il y a quelques mois, qu'on s'approprie quand les pages du calendrier se tournent. La nouveauté, les moments de contemplation laissent place à une marche méditative et répétitive. L'impression, par moments, d'une brèche dans le temps, de mouvements si quotidiens, similaires, qu'on ne les sent même plus passer. Fondue dans la foule, celle-ci nous entraîne d'un point à l'autre sans que l'on se pose trop de questions. Son poids et les regards n'ont guère plus d'importance, mais hors de la rue, ceux-ci ne deviennent-ils pas plus pesants encore ? On transite d'une vie à une autre, du chez-soi jusqu'au lieu où on s'active socialement. Il y avait déjà ce genre de rupture avant, d'un confort à un combat. Mais l'intensification de nos relations multipliait alors les phases d'être. Toujours plus de gens pour autant de prénoms et de visages, toujours plus de différences à comprendre et de postures à adopter. Je marchais à travers la ville l'autre jour, encore une fois, et me demandais alors si j'étais vraiment celui que je voulais être, en tout temps, en tout lieu. Si j'arrivais encore à être maître de moi-même, contrôler mes pas et leur rythme dans cette même rue froide sous la pluie battante, adopter les sourires et paroles qui me correspondent dans toutes ces soirées brûlantes. Oh, Je crois que j'arrive pas encore à accepter que l'on puisse passer de tout à rien émotionnellement dans la même journée, un laps de temps très court. L'humain a sûrement quelque chose de borderline par nature, ou alors c'est moi, je sais pas. L'environnement qui nous entoure, on le connaît pourtant. On a tout théorisé, tout rationalisé. Plus rien ne semble étonner les uns quand les autres font semblant de l'être. Alors on essaye de parler de nos émotions, de les décrire, les oraliser. Je sais pas si on y arrive. Comme un sceau magique semble les garder. Garde son visage, tenant l'entrée de nos âmes, se faisant citadelle. Alors je continue de marcher, et je relance l'album. Man on the Moon, c'est autant d'ode à la vie que de passage nécessaire par les émotions enfouies au fond de son être. Par synesthésie, chacune des mélodies se fait couleur, et la voix chaleureuse de Kid Cudi devient guide au travers des titres. Une chaleur vocale qui pourtant dit sa détresse, démontre une certaine urgence de gagner la sérénité. Kid, I need some help, and I can't begin to think of anything that could help. But the weed is guaranteed, indeed, just what I need. How I feel upon a time so recent, a time made me sad when I recollect how I used to be like David and Goliath, kinda like me and the devil, tryna rip out my soul, tryna catch a nigga on sleep. No, no, you can try again and I'll be ready. Won't let you get me in my dream like Freddy Krueger. No, I'm not no loser. I'll see you in hell. End of the day, day, my mama told me, don't let no one break me, let no one break me. At the end of the day, day, nobody, nobody ever can stop me, ever can stop me. At the end of the day, day, you can't regret it if you were trying, if you were trying. At the end of the day, day, I'm walking with a heart of a lion. Yeah. Save a kid, I need some help, and I can't see ahead of me, so I'm moving stuff. Hide and seek within a dream, I seem to glide above my horror. Though I feel I'll never be complete inside the dark I borrow. To proceed and remain intact, my mental was so unstable. When they talk and judge a man, they have no clue what I'm capable. Till I show a side of me, no one that thought could be within. I told ya, no, I'm not a loser, I see you in hell. No. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs, au-delà des murs? Au-delà des murs de cette ville, tout ce monde, toutes ces constructions semblent s'écrouler dès lors qu'on s'y penche de plus près. Alors on consomme, consumons nos corps au fil des soirées. Quant au matin, le doute se fait envahissant, le constat suivant apparaît. On marche tout le temps, en équilibre, au bord du gouffre. Vivre socialement est artificiel, nos rapports le sont de la même manière. Cette impression d'être à bout de souffle quand on se dirige vers l'autre, puis tout s'enchaîne. Un pied dans le vide et l'autre ici, joie et peine confondues, et toujours la crainte que l'équilibre se brise. Cause the square doesn't fit the circle. je parlais de plusieurs vies auparavant. C'est un raccourci, en fait. J'y crois pas moi-même. La nouvelle vie, ça n'existe pas. Tout change. Nos identités évoluent et ne stagnent jamais, alors que nos naissances demeurent actées. Et je crois que c'est précisément ça qui fait peur. Tout ce que t'as vécu ne s'effacera pas, faut l'accepter. Alors je relance Man on the Moon. Kid Cudi est mon compagnon de voyage en sortant de soirée. Ce qu'il dit me parle, c'est rare d'avoir une démarche comme la sienne en fait, ce rôle de thérapeute et d'ami pour tes auditeurs. Alors que lui souffre derrière ça. Il n'y a pas de catharsis, alors qu'il évoque tous les maux du monde, rend sa dépression universelle au travers de ses morceaux. Ses disques, c'est l'histoire d'un homme, mais l'histoire de tout le monde. Je me sens comme un atome parmi ce tout le monde, guidé par les étoiles et le battement de la musique, simple poussière au milieu des hommes. Dans les rues de la ville comme en route vers l'ailleurs, tout semble prendre forme et s'articuler, danser autour de Mr. Rager. Une lumière, mais mille éclats. Deux albums pour un nombre infini d'émotions. Des émotions pour des millions d'autres gens. Si le chemin vers la paix intérieure est bien plus long que cette route, je me dis que, quelque part, peut-être, quelqu'un d'autre pense à tout cela, guidé par les mêmes notes qui me bercent alors. Ça me paraît assez évident, en fait, et on n'est peut-être pas tous si faux. Un jour, j'espère arriver à mieux comprendre ces rues que j'arpente, ces visages que je croise et, moi-même, décrocher la lune. I'm off.